How can you call people to hang out in windows and watch trains riders, man? You gotta write, you gotta do the action, man. You know, you gotta go out there, rack up. You gotta go out and paint and be called an outlaw at the same time. Casser cette émission à un vieux pote qui est mort il y a pas mal d'années, qui s'est jeté sur le métro, qui faisait du graffiti, qui s'appelle Rumor, qui faisait partie du groupe Jihad. Et donc, spéciale dédicace à Rumor, et puis à plein d'autres personnes comme Cast, Dex, Orm, et d'autres personnes plus lointaines comme Asset et d'autres groupes. P50, CMS, etc., etc. Alors pourquoi je vais vous parler du graffiti et du tag? Parce qu'en fait, à la distro La Pinothèque, ben, on a des aérosols de peinture et des stiffs. Alors au départ, c'était pour c'est plutôt l'idée d'écrire des trucs politiques, sociaux sur les murs, anti-flics, faire réfléchir les gens. Et puis aussi, pourquoi pas, le graffiti, le tag et d'autres saloperies pour saloper les murs de la ville. Hein. Soyons amoral, n'hésitons pas. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Au concert punk La Boum de Noël de décembre passé, on avait donc notre petit stand de Distro La Pinothèque et on avait des bombes de peinture et je vois un vieux punk qui vient avec son fils de 19 ans et lui achète une bombe et lui dit « Vas-y, ton premier graffiti, c'est parti ». De l'autre côté du magasin 4, ils étaient tout fous, tout contents. Donc, moi, ça m'a bien fait sourire. D'où je vous raconte cette histoire. Moi, c'est les graffitis, le tag, ça m'intéresse depuis les débuts des années 90, donc 92. Quand je prenais le métro, j'avais assez flashé sur tous ces grands graffitis qu'il y avait dans les métros. Je me souviens, j'essayais de déchiffrer, il y avait Eros, Rage, Armes et Hommes, Décor, Sosie, avec des personnages, des lettrages assez en couleur. Bon, il y avait une énergie assez folle qui sortait de tout ça. Moi, comme d'autres adolescents de l'époque, ben, on gribouillait sur nos fards des trucs, des noms des groupes en grosses lettres, les A cerclés. On ne savait même pas trop ce que ça voulait dire complètement, mais bon, on aimait bien. Et puis un jour, ben, il y avait un gars dans ma classe qui lui faisait du tag et un peu de graffiti, il commençait tout juste. Et du coup, il m'a un peu montré des trucs. On avait été une fois au Christiansens Et du coup, moi, j'avais inventé une histoire pour discuter avec le vendeur pendant que lui, il chopait les bombes. Parce que ça, il faut le savoir, c'est une tradition dans le milieu du tag, tant aux États-Unis qu'à Bruxelles qu'ailleurs. C'est qu'en général, ben, les bombes, le matériel, ça se vole parce que ça coûte cher. En général, c'est un truc qui est pratiqué par des gens qui viennent des quartiers populaires. Du coup, t'as pas plein de thunes, tu peux pas te payer tout ce qu'il faut pour saccager la ville. Du coup, ça s'emprunte définitivement dans les magasins artistiques. Merci Schlepper. Et voilà. Et du coup, au départ, les gens copient ce qu'ils voient. Et puis après, tu comprends que, en fait, il faut un peu personnaliser. Tu trouves un nom, ça s'appelle un Goethe, un tag, un pseudo. Alors je vous raconterai, on ira bientôt dans l'histoire directement de New York, d'où ça vient. Mais moi, je reste encore un peu à l'époque où ça m'a touché. Et donc ce gars, il avait taxé, ce copain, Cast, il avait taxé un livre qui s'appelle Fate of Graffiti de John Nahr, qui est sorti en 1976. Et on voit juste les jeunes qui font des tags dans les métros comme des sauvages. Puis il y a eu Subway Art en 84 et Spray Can en 87. Alors je m'attarde là-dessus parce qu'en fait, c'est vraiment des bouquins qui ont été des références pour plein de taggeurs et graffiteurs à Paris, en France, en Allemagne, en Belgique, partout dans le monde. Parce que c'était pour la première fois où on voyait des photos. Il n'y avait pas Internet à l'époque. On voyait des photos de ce qui se faisait là-bas. Et donc, ça a été l'occasion pour plein de gens ailleurs de s'inspirer de tout ça. Alors, il avait emprunté ses livres à la FNAC. Et je me souviens, on regardait, tu essayais un peu de copier les trucs. Incroyable. Paris Toncar à Paris, c'est Paris Toncar qui était sorti en 92. On voyait les graphes de Motu, Bando, Boxer et d'autres. Où, voilà, on voit des personnages, des grosses lettres en couleur sur les métros. Et ça, c'était un gars, justement, qui était un graffiteur, un tagueur, qui s'appelle Tarek, et qui s'était dit, tiens, mais en fait, on fait ces trucs-là, mais ça va être peint, ça va disparaître, peut-être qu'il faut qu'il y ait une trace de ça. Il a commencé à faire des photos assez tôt, enfin, relativement assez tôt, et il a collectionné ça, il en a fait un livre qui a été sorti là, en 2002, puis réédité par la suite. En Belgique, il y a eu un bouquin qui est sorti, c'est un sociologue qui s'appelle Alain Lapiauer, qui avait interviewé plein de graffeurs, de rappeurs, de breakers, et c'est le bouquin Total Respect, la génération hip-hop en Belgique, où c'est vraiment une mine d'informations super intéressante. Et puis après, il y a d'autres bouquins. Il y a des films aussi. Alors, à l'époque, c'était pas facile de trouver ce genre de film par ici, mais la bande passante qu'on écoute là, c'est toujours Wild Style. Donc c'est un film quasi biographique de graffeurs, de taggeurs de l'époque. Et donc on les suit, ils jouent vraiment le rôle de l'époque. On voit des images. Donc c'est un film qui est sorti en 83. Voilà, c'est assez important comme film. Il y a un autre film qui s'appelle Steel War, qui est sorti en 83, aussi très important, et qui, par exemple, pour le cas de Paris et Berlin, où il a été diffusé largement, ça a poussé aux jeunes qui étaient intéressés par cette culture-là à voir des styles, des fresques qui apparaissaient. Et donc ça, c'est, vous pouvez le voir sur YouTube, c'est sous-titré sur YouTube, donc Wild Style et Steel War, vraiment à ne pas manquer. Il y en a qui est plus documentaire, c'est Steel War. Wild Style, c'est une mise en scène, mais on y voit aussi Grand Master Flash, tout le début du hip-hop, du breakdance, toute l'ambiance, c'est assez riche dans le genre. On continue donc la naissance du tag et du graffiti, d'où ça sort. C'est vraiment au tout début des années 70. C'est des très jeunes, de 14-15 ans, plutôt de la communauté portoricaine, afro-américaine, latino. Mais il y avait aussi pas mal de blancs et pas mal de blancs-becs, comme on dit, pas spécialement liés au hip-hop et au rap, mais qui venaient aussi de la scène metal, punk. Donc souvent, on a le cliché, on pense que c'est souvent que des rappeurs. Et en réalité, on voit qu'il y en a plein qui n'ont rien à voir avec le rap et qui ont aussi participé fortement dès le début aux États-Unis, à New York, mais vous le verrez par la suite en Belgique aussi, au mouvement du graffiti. Et du coup, bon, il y a un fameux tagger, Taki 183, qui était en fait qui a été médiatisé parce qu'en 71, le Time Magazine sort un article là-dessus. Et Taki, c'est un coursier d'origine grecque qui parcourait la ville pour faire ses courses. Enfin, il bossait, quoi. Il faisait comme le takeaway maintenant. Et il taguait son nom, Taki, ou son blaze, Taki, et 183, parce que c'était le numéro de sa rue. Pas le numéro de la maison de sa rue, mais le numéro de la rue, parce qu'à New York, les rues ont des numéros. Et du coup, voilà, il est devenu assez connu, mais il y avait plein d'autres jeunes taggeurs qui faisaient la même chose que lui. Au départ, c'était pas avec beaucoup de style, mais c'était à celui qui en mettait le plus. C'était un espèce de jeu, espèce de jeu excitant de qui allait en mettre le plus par-ci, par-là. Et il se faisait des lignes, quoi. J'étais, je sais pas moi, sur la ligne 5, et il massacrait la ligne 5. Un tel était d'un autre quartier. Et lui, Taki, comme il travaillait dans toute la ville ou dans des parties de la ville, du coup, il a été un peu plus connu que d'autres. Et voilà. Et puis après, il y a un certain Faz Too, qui lui a fait un tag, mais il l'a entouré d'un rebord. Et du coup, ça devenait un peu plus perfectionné. Il va amener d'innovations stylistiques. Il va être très connu. Ils vont faire des trains, des métros. Donc voilà, et je peux vous en citer plein. Donc, je disais Faz Too, Sin, Lee. Parce qu'il faut savoir que plein de graffeurs de l'époque, ils ont amené ça aussi où ils arrivaient, c'est-à-dire à Paris, à Berlin, à Bruxelles. Je vous raconterai ça par la suite. Et du coup, on va se faire une petite pause musicale avant de continuer. Je vais vous passer un morceau où c'est les Clash qui jouent. Mais c'est Futura 2000, donc un des grands taggeurs qui faisait une performance graffiti pendant leur concert. C'était les Clash qui avaient été au courant du truc et qui l'avaient trouvé et qui avaient fait un morceau spécial pour le gars. Et du coup, il avait fait son graff en direct. Donc, deux mots sur qui est Futura 2000. Donc, lui commence dans les années 70, vraiment tout début, il a 15 ans. Il commence à peindre des wagons de la ligne de Brooklyn au sein de différents groupes, parce que si les taggeurs vont avoir des groupes, mais j'y reviendrai. Et bon, après un accident dans le métro en taguant, il va arrêter pendant 4 ans, et il reprendra en 79. Et ce gars, il a un style très particulier, très abstrait, très assez fou, assez futuriste. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir ce que fait Futura ou ce qu'a fait Futura 2000. Là, on va s'écouter The Escapade of Futura 2000, c'est un morceau des Clash. Et puis on continue et on passera plutôt au volet Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique avec le graffiti ? I'm here to claim, I want to tell the real story about my game. Yeah, just a little tune about graffiti. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it, but the problem is you're probably looking right through it. It started for me back in 72. I really wasn't sure what I wanted to do. I saw names everywhere, style, color, and flair. I knew I had to join in. I knew my answer was there. It was Taki being Taki with his dry mark pen, and he was writing his name way back then. Frank 207, SJK, cover 144, and the UGA. Phase 2, stay high. Graffiti is a thing that's kind of hard to explain. It's not just running around spray painting your name. It starts as a game, can't stay the same. Dedication makes you put it in a different frame. Joe 136. And there were writers in the past who I bet if you asked would say graffiti cannot last. But they cross that rail and they blaze that trail. It's because of them that I won't fail. You know they jump that fence, they cross that track, and it's because of them that I can never be the whack. And you know that. to the beat. There's a side that's good and there's a side that's bad, and on the inside graffiti's always had that individual desire, which I guess I most admire, that needs a bomb to set things on fire. Down by law, I painted a train and I called it break. I guess until then I wasn't really awake. I realized then what I could do. I just check out the scene from a whole new view. It wasn't hard to see, it didn't take much time. I started out with a death design. There were no letters there, but I didn't care. When the car rolled by, it made people stare. But are they more aware? The crash stays, knocking out leaves. The boys are bad and they're down with me. Graffiti, what's it gonna be? Zephyr, Abdul, Don, D, and Lee. And Koch, unlock the house. Check it out. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it, but the problem is people are looking right through it. You got Wild Style Star Wars coming on strong, Charlie A. Henry, and the list goes on. Biggest toy, a small young boy, the inside king and full car joy. A show in France, a new romance, pay another train and take another chance. It's all about this when you're living in the city. People out there won't have no pity. You got many young minds with a lot to say. All this paint and the subway's gray. And soon their efforts, they're buffed away by the monster machines of the MTA. Yo, man, you ever see that buffing machine? Cold-blooded. Writing on a wall, no talent at all. A simple scrawl, a bathroom stall, a project hall. Hey, graffiti's everywhere, y'all. You don't stop. The body, rock. I was maxing hard with a friend of mine. He's down by law and a rock in mind. Recall him. Bad Bob Freddy. Freddy B. You know he rocks the mic to the highest degree. Freddy, I threw you down, you see. Cause we both rock shop and making history. I threw the funky beat. Funky beat, I freak. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it. But the problem is you probably just can't do it. The beat. Get to it. Keith Haring, rock the house. And the downtown scene, rock shock the house now. Jean-Michel, you're doing swell. You know you got real clientele. Cry long, rock the house. And Red Devil, shock the house. Rust-Oleum, rock the house. Hey, Graffiti, rock shock the show. F-U-T-U-R-A, shocking the rhyme until the break of day. Check me out, and you don't stop. Graffiti's what I be about. All right, got my man Mick cutting the mix. Beat the beat. To the class, you're rocking the house. Say thanks a lot. Shock the house. Shock the house. F U T U R A. Hey, Futura is what I spray. Check it out. New York City, rock the house. Check it out. FBT, rock shock the house now. Check it out. Uni-wise, city-wise. Fun gallery. And you don't stop. To the beat. Do a dive, best style, rock on. The idea is to let you know that. Et voilà, on va poursuivre avec l'histoire du graffiti aux États-Unis et en Belgique. Tag, ça veut dire étiquette. Et à l'époque, Dans le bouquin que je vous avais cité au début, on voit tous les jeunes de 14-15 ans qui sont là avec leur étiquette et leur pseudo, genre Taki 183, mais il y en avait plein d'autres. Hein. Je vous cite Tracy 168, Stay High 148, c'était leur nom de rue. Étiquette, c'était un peu leur pseudo. Tag, c'est devenu comme ça. Voilà, on était aux États-Unis, à New York, avec cette effervescence et cette énergie. En fait, il y avait un truc hyper énergétique là-dedans. Les gens, les jeunes des quartiers ont commencé à se faire comme une guerre, mais c'est pas une vraie guerre, c'est une guerre imagée. Mais c'est-à-dire que tu voyais ton tag sur ta ligne et tu voyais d'autres et t'essayais d'être le plus vu au départ, d'abord le plus vu, et puis après, il y avait une question de style et le style s'est mis en branle avec des lettrages. Alors souvent la caricature qu'ont les gens qui sont pas spécialement initiés, parce que c'est vrai que c'est un peu des fois adressé à des initiés, c'est « Ah oui, c'est facile, un tag, le graffiti, ça va, ça a une sorte de légitimité, mais le tag, c'est un peu le parent pauvre de tout ce bazar-là, genre on n'aime pas, ça salit le truc. » Je disais « salissure » en début Ouais, mais c'est vrai parce que à un moment donné, je me dis ouais. Ça, j'ai entendu plusieurs mots, salissure, saccagé, et donc je me demandais si, enfin, s'il fallait utiliser uniquement ce mot-là, parce qu'en plus on sait que finalement c'est devenu aussi très, très couru dans les expositions, dans les salons de vente, c'est devenu un max de blé maintenant, donc... Dans tout ce trajet-là, je me demandais si le verbe utilisé, enfin qui donnait plutôt un aspect destruction de l'environnement urbain, était vraiment chouette, parce qu'en plus je ne sais pas comment les gens le vivent. Moi je ne sais pas si j'ai envie de faire... C'est compliqué pour moi de comprendre que ça fasse plaisir de destroyer la ville alors qu'on vit avec les gens, quoi, tu vois. Donc je voulais... J'imagine qu'il y a un peu de provoque dans tes propos, forcément, mais en même temps, bon, ben, un beau graffiti, c'est chouette. Des graffitis tout pourraves sur la longueur, ça peut être chouette, mais pas partout, pas tout le temps. Enfin, je sais pas, quelle est ta position par rapport au paysage urbain ? Il faut bien se dire qu'au départ, ça a été... c'est une évolution, hein, mais ça a été un jeu de gamin, d'ado, de 14, 15, 16 ans, qui se faisait le concours de qui était le plus connu et qui plaçait mieux ses trucs. Et donc, je ne pense pas que c'était dans l'idée de spécialement détruire le paysage ou quoi, mais la vision de l'un n'est pas la vision de l'autre. Et du coup, je pense que c'est un truc qui a surgi comme ça. Et puis après, qu'il y a eu une histoire où il y a eu des styles qui se sont faits. Des gens, en fait, quand tu vois un tag, pour toi, ça a l'air... peut-être simple, et des fois il y a des années de recherche de calligraphie, parce qu'en fait un R, un A, pour avoir côtoyé pas mal de taggers et avoir essayé un tout petit peu le truc, ben ouais, ça, c'est une recherche assez, assez impressionnante. Et après, toi, tu te dis, ouais, il a juste jeté son truc. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais je dis peut-être, des gens des fois se disent ouais, ce genre de truc-là. J'ai aucun doute sur la qualité même du travail qu'il y a derrière tout ça, quoi. Ça se voit, bon, quand c'est une bonne vieille croix gammée de merde taguée à la va-vite, on voit bien que ça n'a pas été recherché pendant des plombes. Mais non, franchement, non, c'était plus dans le propos, dans la manière dont tu as amené les choses, que je me disais, tiens, est-ce qu'on peut se limiter à une approche du saccage ou de pourrir le lieu ou... Ça dépend de qui tu te places, tu vois. Si t'es le commerçant ou le gars qui sort de chez lui puis qui voit sa maison défoncée par 40 000 tags graffiti qui soient, entre guillemets, beaux ou pas beaux, bien faits, je dirais qu'il s'en fout parce qu'il se dit « Merde, on a foutu de la merde sur mon truc, ça me fait chier ». Et je dirais ça, c'est relatif à chaque personne. Il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui s'en foutent pas. En général, on s'en fout pas parce que Les espaces sont assez légitimés dans la ville, donc si on t'impose des milliards de publicités, ça c'est légitime, il n'y a pas de problème. Par contre, un tag, ben, il n'a pas sa légitimité, c'est un truc fait par... A priori, en plus, il y a une espèce de mythe, c'est genre, ouais, c'est fait par des voyous, des gangs, etc., etc. Et je dirais que quand ça arrivait aussi, dans le milieu hip-hop, par exemple à Bruxelles, le milieu hip-hop par rapport au breakdance, au rap et tout ça, a voulu montrer une image patte blanche, bonne attitude, positive, justement parce qu'on leur collait d'emblée l'étiquette de gang, de ultra-violent, etc., etc. Et eux, ils ont dû montrer un peu patte blanche, genre bien. Et moi, je le dis un peu en provocation, en mode, okay, ça va détruire les murs, etc. Parce qu'à un moment donné, aussi, dans le monde du graffiti, on a dit, on s'en fout du truc, genre positive attitude. Oui, on souille les murs et on en rigole avec ça, même si effectivement, il y a des gens pour qui ben, c'est une imposition. Mais ça, c'est problématique, le tag. Et par exemple, l'espace publicitaire ou des antennes GSM, par exemple, qui peuvent nuire à la santé des gens, ne posent pas de problème ou moins de problème ou a une forme de légitimité parce qu'une forme de légalité. Tandis que le tag, je dirais même encore aujourd'hui, il reste pas très légitime, quoi. Je veux dire, un graphe, je dis, ah oui, ok, il y a des couleurs, il y a un perso, il y a une recherche. Un tag, on dit, oh, quand même, c'est le bazar, quoi. Du coup, je dirais, le tagger, une fois qu'il est pris aussi par le jeu du tag et d'essayer d'être un peu le king, le petit succès du quartier, de sa ville, mais du coup, c'est un espèce de truc, tu penses pas en addictif. Disant... Quoi, addictif, quoi. Tu te dis, tiens, où je vais pouvoir me placer, où je vais pouvoir frapper fort, être vu, faire un truc que les autres ont. Et du coup, c'est une espèce de truc d'adrénaline, de drogue, d'aller dans les dépôts de train, de métro de la STIB, qui était au départ pas trop gardé, avec quelques caméras, puis de plus en plus compliqué. Là encore, en venant aujourd'hui à l'émission, je regardais Gare du Nord, Gare Centrale, Gare du Midi, des trains, graffiti et tout, or que... Il y a plein de systèmes de sécurité, de caméras. Ils ont quelques secondes pour faire, ou quelques minutes pour faire leur graphe, et des fois assez, avec plein de couleurs, assez élaborées. Or que c'est des conditions chaudes. J'en parlerai peut-être un peu à la fin, ou je peux en parler maintenant, mais il y a des procès de millions, parce que pour décaper un train, repeindre le train avec la peinture anti-pluie, tout le bordel, c'est des millions. Et donc, quand tu te fais avoir en tant que tagger, parce qu'il faut le savoir, on prend ton pseudo. Il y a des brigades anti-tag à la STIB qui ont des dossiers sur les taggers entiers. Et après, ils sortent la calculette. Ou ils sortent même pas la calculette. Ils ont déjà fait le calcul. Et disent, toi, on t'a eu. Tu nous dois 50 000 ou 100 000 euros. Parce que c'est X 1000 euros du mètre carré, quoi. Donc voilà, ça, c'est pour le... C'est un peu pour le débat légitimité, illégitimité. C'est un débat sans fin. Il y a des taggers qui ont des principes, qui taguent jamais les maisons, qui taguent jamais les véhicules, qui taguent les endroits qui sont déjà tagués, ou qui taguent les trains, ou, etc., etc. Il y a un peu une myriade de positions là-dessus. Moi, j'avais une petite question, parce que du coup, tu présentais... Enfin, du coup, c'est des personnes quoi, qui essayent de se faire... Enfin, il y a une petite... Je veux pas être objectif avec ça, mais concurrence individuelle, machin truc. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des crews, une dimension collective aussi parfois. Donc tu parlais de parfois un train est pris par plusieurs personnes pour être fait plus rapidement. Et du coup, je me demandais comment ça fonctionnait ces trucs-là. Alors du coup, il y a des personnes qui font des tags, des graffitis. Et puis aux États-Unis très vite et dans d'autres pays aussi, ils se sont regroupés dans des groupes d'affinité. Parce qu'ils aimaient bien, ou ils étaient voisins, ils étaient du même quartier, de la même école, ils se retrouvaient, et donc ils créaient des groupes d'affinité, et puis ils créaient un style, une manière de, ou quoi, et donc ces groupes, si tu veux, ça dépend où, et ça dépend lesquels, ont eu des rites de passage d'entrée, pour rentrer dans le groupe, tu devais, je sais pas moi, frapper fort la rue Neuve, ou faire un truc ci ou ça. Ça, c'est un peu... ça dépend vraiment, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Ouais, c'est des gens qui peuvent se dire... Par exemple, je te donne un exemple. J'avais des copains, ils disaient « Ouais, on viendra ce week-end dans ton quartier. » Clac, bon, ils ne sont pas venus le premier jour, mais ils sont venus le deuxième jour. Et ils sont à 3-4, et ils vont faire plusieurs métros, des stations. Ils vont rentrer dans Delta, faire des métros, les à côté, sous les ponts. Et ça va être un carton total. Pendant la nuit, clac. Mais du coup, il y a un esprit de groupe. Et du coup, pour revenir à ça, j'en parlerai un peu pour quand j'arriverai à l'histoire du tag et du graffiti ici à Bruxelles, comment ça arrivait. Mais oui, il y a des états d'esprit. L'état d'esprit, je ne sais pas moi, RAB, rien à branler, ce n'est pas le même que BCP, Brussels City Painting. Ils ont des pratiques, des manières différentes de fonctionner entre eux, d'agir. Et voilà, ça, je dirais, c'est un peu comme des groupes de musique. Du coup, je vais vous parler, pour pas m'étaler trop longtemps, je vais vous parler du début du graffiti à Bruxelles. Il y a une transmission en Europe du film Break Street 84 et Beat Street, diffusé la même année, sur le breakdance. Et du coup, ça va pas mal diffuser le breakdance à Bruxelles. Il y aura des endroits, notamment la basilique de Kugelberg, Gary Ravenstein, où il y a pas mal de jeunes qui vont s'initier au break. Ça, c'est vraiment le début du hip-hop en Belgique. Il y aura aussi des concerts en Europe de Afrika Bambaataa qui viendra aussi ici. Afrika Bambaataa qui fait partie de la Zulu Nation. Et où il parle des, je ne sais plus, X piliers du hip-hop, où il y a le DJing, le rap, le breakdance. Alors le tag va être un peu mis de côté parce que justement il y a un côté trop illégal, mal vu, etc. Mais du coup tout ça va être assez foisonnant. Et justement sur le graffiti, contrairement à Berlin et à Paris, il y aura pas de, il y aura pas le, la diffusion du film Steel War et Wild Style. Et aussi dans les graffeurs américains qui viendront à Paris, à Berlin, en Hollande. Ici à Bruxelles, il y a un gars qui s'appelle Cor, qui est un grand graffeur new-yorkais, mais qui va vraiment s'orienter vers un travail plus artistique, je dirais, de galerie, et qui ne va pas spécialement transmettre son savoir, tandis que les graffeurs à Paris, à Berlin, à New York, va transmettre son savoir du graffiti, parce que, bon, au départ... Je ne sais pas comment ça se passe, tu as un mur, la peinture de la bombe est absorbée par le mur, il y en a qui vont faire, du coup, avant, passer au latex blanc pour que ça ressorte plus fort. Enfin, il y a toute une série de techniques que, je dirais, les Bruxellois vont devoir un peu découvrir par eux-mêmes et n'auront pas cette transmission si forte, même si Cor transmettra quand même, il y aura quand même des liens qui vont se faire. Du coup, breakdance... rap, je ne vais pas parler de Benebi, mais des BRC, parce que BRC, c'est un vrai foisonnement de... Donc c'est Bruxelles Rap Convention, c'est un groupe de breakers, de rappeurs, et aussi, il y aura des gens qui feront du graffiti, qui vont être très actifs, mais c'est quand même largement décalé dans le temps par rapport à ce qui se passe à Paris et à New York. À New York, c'est vraiment 1970. Paris, c'est un bon décalage de... pas mal d'années, je ne sais pas vous dire, début des années 80. Et en Belgique, c'est vraiment fin des années 80 qu'on voit commencer à apparaître du tag, du graphe, même s'il y avait des écritures murales qui existaient, mais je dirais à proprement dit, issues du truc hip-hop, c'est vraiment fin des années 80, avec des groupes comme, je disais, BRC, RAB... RAB qui va, donc Rien à branler, qui est un groupe de Scarbeck essentiellement, et qui avait découvert NTM. NTM qui était un groupe surtout aussi de graffeurs, avec des super graffitis, dont Mode 2, entre autres. Mais je vous conseille d'aller regarder sur le net. Il y a plein de trucs intéressants à voir. Et donc... à Bruxelles, il y avait des taggers comme Eros, Zone, Rage, Dest 104, plutôt issus de la mouvance punk, hein, parce qu'il y a aussi des gens voilà, là-dedans, un peu comme à New York, qui n'ont rien à voir avec le hip-hop, mais qui vont faire du tag aussi. Myst, qui va innover un style bruxellois avec des lettres en pointe marquées avec un trait continu appelé « Faster Style ». Renault, Sozi qui va faire des grands personnages, notamment la grande souris Mickey Mouse, le portrait de MC Solar, très réaliste, le portrait de Bob Marley, tout ça dans le début des années 90, qui vont être fort influencés par les graffeurs et les taggeurs parisiens. Et un taggeur que j'aime beaucoup, un graffeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rage, qui a commencé assez tôt, en fin des années 80, qui avait lu aussi ses revues américaines Subway et Spray Can, et qui va faire des trucs assez abstraits. Notamment, il va réaliser une fresque à Noël en 1990 à Hossegem, station Hossegem. Il va faire un truc assez abstrait, donc il n'y a plus de lettrage, il n'y a que de l'abstraction. Et il va développer son style au fur et à mesure en utilisant même certaines couleurs comme l'orange ou le turquoise. Ce sera assez reconnaissable son style. Voilà, et Rage va rencontrer cet ex-graffeur new-yorkais Cor, où ils vont notamment faire en 91 un grand portrait de Miles Davis avec armes à la station de Want. C'est chaud de vous faire toute l'histoire... Du tag et du graffiti en Belgique. Du coup, on fera un jour une spéciale particulièrement là-dessus, parce qu'il y a plein d'artistes duquel j'ai pas pu aborder ici l'histoire. Je vais un peu essayer de faire une forme de conclusion. Mais donc, du coup, à un moment donné, il y a eu des commandes, des contrats entre des graffeurs et la ville, les communes, qui a été une forme en partie d'intégration du graffiti. Parce que les communes se sont dit, bon, ce bordel-là nous part des mains. Est-ce qu'on ne donnerait pas aux jeunes des murs? Et du coup, il y a eu les premiers contrats, notamment à Clémenceau, Gare de la Chapelle, par la suite, des viaducs qui ont été acceptés. C'est quelle période, ça, juste? Ça dépend un peu. Il y a eu ça dans, je pense, fin des années... milieu des années 90, par là, pour les premiers trucs. Et puis, un peu par la suite, milieu des années 90, je dirais une forme d'intégration, d'une part, par la commune et aussi par le milieu artistique, puisque, faut pas rappeler, on le voit dans le film Wild Style, les graffeurs sont pris par le milieu artistique et du coup, ils sont intégrés dans la sphère de l'art. Et il y en a qui continuent de manière illégale à faire le graphe avec des périodes de haut, de bas. Et puis, ce qu'on a appelé le street art, qui, moi, j'aime assez bien ce que Tarek de Paris Toncard dit là-dessus. Il dit, ouais, c'est un peu les autorités publiques ou les autorités artistiques ou les artistes eux-mêmes qui ont inventé ce concept pour faire une séparation entre des gens qui faisaient des trucs dans la rue, des graffeurs, des taggeurs, pour mettre genre les taggeurs et certains graffeurs, c'est des trucs illégaux. Et puis, il y a le street art qui fait un peu de rue, mais qui est surtout la place dans les galeries. Et du coup, voilà. Je trouvais ça... Je vous conseille, hein, y a des reportages sur le net où on voit notamment Tarek qui raconte pas mal de trucs intéressants et d'autres taggeurs, graffeurs sur le sujet. Bon, je vais directement passer une petite musique d'époque qui s'écoutait sur Radio Panique. Onde de Choc, un groupe avec pas mal de contenu. Peut-être pas dans le freestyle que je vais vous passer, mais c'était un groupe assez engagé à l'époque, où il y avait notamment Pitcho et plein d'autres. Et ça, c'est un freestyle qu'ils ont fait sur Radio Panique dans les années 90. On s'écoute tout de suite, Onde de Choc. Ils deviennent phénoménales. Non, n'oubliez pas que ce sont des dealers vocales. Pas plus chaud, le magnifique. J'ai checké de mic. 1. J'ai checké de mic. 2. J'ai checké de mic. Attaque avec les actes tac de l'escape. Tu frappes et massacré qui donne le ton à la nouvelle étape du rap. J'échappe aux sacs néfastes de l'escapade du hit parade et me balade avec hâte dans les chops des landes des guandas et m'éclate avant la halte. Mais voilà. Et mon glissade, je me laisse emporter par les vagues, par les vibes du hip hop qui m'emporte pour une nouvelle escalade. Une nouvelle esplanade vers l'esplanade que je bombarde sur l'instrumental, véritable travail mental, qu'est le mini-maniement des mots, car j'ai la mini-manie de vouloir manipuler le micro sans défaut pour que mes mots tombent comme des bombes, annonçant ainsi la venue de l'onde. Mais en dépit des débris, je bondis tel la bandit, tandis que des petits bidons prennent partie au conflit et mettent ainsi leur vie en péril, se prenant tous pour des hommes virils. Mais sachez que la cour qui nous entoure est dangereuse, alors tire-toi petit, ne viens pas affronter le MC que l'on nomme le MC Yeti de Bruxelles City, avec le chill mic ici sur Radio Campus. Ouais, tu te vois une fois de plus, dédicace au Rum One Select, dans la place. N'oubliez pas le 17 février la clique avec l'onde de choc qui va venir représenter le cénacle clandestin, gamin. Salut. Donc on a le plaisir d'accueillir Aredge ce soir avec Marcor et Smurf. Bienvenue. Coucou, coucou. Et du coup, une première question. D'où est-ce qu'elle sort, la distro Aredge? Comment elle est née? Je commence. Marcor, il va... Bon, en fait, il y a le label Aredge, qui est le label qui... qui est un label, un outil pour sortir des disques pour les groupes comme René Bilamé, les Slux, mais La Marmite et encore bien d'autres. Et puis, il y a la distro qui, elle, est un peu la petite épicerie fine qu'on trimballe depuis... moi, je trimballe depuis 1995, je pense. et qui est arrivé dans les Vietnamais en 2000, qui s'est incorporé au ce qu'on appelait Marco à l'époque le stand. Oui, le stand. Le stand. Du coup, c'est le stand, c'est l'ancêtre. Oui. Bah oui. Et tu peux parler un peu. Ouais. On t'entend, je crois. Rapproche-toi. Donc au concert, bah, y avait, on mettait toujours une table et on mettait les disques, c'était souvent des CD. Et on avait deux ou trois t-shirts, quand on avait des t-shirts. Mais, le truc chouette, c'est qu'avec avec la distro, bah, y avait des bacs en plus. Et il y avait des vinyles aussi. Et dans le stand, il y avait Alternative Libertaire à l'époque, qui était distribué aussi, et toutes les affiches. Je pense que tous les ados de l'époque ont eu des affiches chez eux. C'était distribué à grand vent. Bonne idée, les affiches. Non, on ne fait pas encore ça. Enfin, tu dis quoi? Bonne idée, les affiches. Je dis. Ben oui. ça se fait plus trop dans la distro. Je ne les ai pas gardés. Ouais, ouais. Mais donc, ouais, la distro, après, elle venait d'une maison de jeunes à Louvain-la-Neuve en mode autogestion. Puis elle a sauté dans le squat 111 parce qu'à un moment donné, on faisait plus... quand il y avait des concerts au 111, en gros, j'étais en haut dans l'atelier de sérigraphie. Tout comme dans la maison de jeunes, je tenais la distro avec des potes dans l'atelier de sérigraphie. Il y avait un petit lien, Et donc ça a continué. Et puis à un moment donné, en arrivant dans les Binamés, moi j'ai amené ces valises-là qui amenaient d'autres groupes. Parce que à la maison de jeunes où on organisait tous ces concerts, grosso modo, c'était devenu le contact, un contact en plus. Bon, quand on invite des groupes, on invitait des groupes du Japon au Brésil en passant par... la Russie et il y a vraiment et Otigny et donc quand un groupe arrive, on mange avec lui, on boit une bière ou l'autre, il joue, il dort chez toi et tout. Mais ça faisait un truc en plus, un lien. C'était une pâle copie, je l'avoue, de la distro de la zone de Liège dans les modes de fonctionnement pour on payait les groupes avec des virements postaux. À ce moment-là, la distro, c'est carrément un collectif, un petit collectif qui est utile d'organisation de concerts ou de liens avec aussi quoi. Enfin, c'est dans cette maison de jeunes là, ouais, clairement. Okay. On était 5-6 en fait à porter cette distro. Et vous pouvez parler un peu de son fonctionnement actuel. Ouais. Ah oui. Ben, on la sort au concert, concert des Slugs, des Slugs, et aussi on fait parfois quand on est invité, aux endroits où on est invité, genre la journée des distros au magasin 4, oui, où il y a déjà eu, alors la foire Anarchis aux Bourses à Ghent. Ouais. Et on a déjà fait des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est pas toujours intéressant, mais on voit pas toujours grand chose, mais c'est pas le but non plus. C'est un des buts, mais on rencontre d'autres personnes aussi. Donc, ouais. Le but premier, alors, Marco, tu veux dire De quoi? Tu dis c'est pas spécialement le but de vendre, mais c'est le but de. De se faire connaître, de faire. C'est un lieu de rencontre. Oui, aussi. C'est un lieu de rencontre incroyable. C'est vrai que quand tu tiens. Ouais, chaque personne qui tient une distro a cette petite fibre de l'épicier qui dit: oh, le disque est parti, je vais pouvoir en mettre un autre dans le bac. Enfin bon, franchement, le syndrome du magasinier, dès que tu tiens une distro, tu l'attrapes un petit peu, mais on n'est pas dans un plan vraiment. On est loin d'être dans un plan commercial. On fait pas ça. Enfin, on ne gagne pas d'argent là-dessus. Ça nous permet de mutualiser un peu de sous pour faire des coproductions. Parce que c'est bien ça, ce qui s'est produit aussi à un moment donné, c'est que des groupes nous demandaient pour coproduire des albums. Et coproduire, c'est un bien grand mot, quoi. Si on leur dit, écoutez, on vous en prend 15, ou on vous en prend 30, ou 50, ça dépend des groupes, et on les co-distribue, en fait. On les produit pas du tout. On mutualise des sous pour que le groupe puisse les sortir et qu'ils restent pas avec 500 disques dans leur chambre. Ce qui arrive un peu trop souvent. Et donc, voilà, c'est un fonctionnement, pour répondre à ta question, de un petit stand, une petite épicerie, avec très très peu de stock, en fait. Et le besoin d'être en concert ou dans des événements pour que ça puisse fonctionner, quoi. C'est pas, on va pas faire un truc en ligne uniquement, c'est pas le but du tout. Mais moi, c'est ça, en parlant de cette épicerie ou d'endroit de rencontre, moi, c'est comme ça que je vous ai rencontré, je pense en 2006, 2007, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un endroit de, ouais, pour capter toute la... Enfin, ouais, je dirais la scène anarcho-punk, squat, tout ça, pour moi, ça a été... T'allais dire un truc, Marco ? Non, je t'allais laisser parler. Et justement, en disant ça, du coup, j'ai retrouvé un des premiers vinyles que j'avais acheté. Est-ce que t'es prêt, technicien, pour le mettre ? Non, ok. Bon. Il viendra après. Je suis curieux, tiens. Ouais, c'est No Shangsa. No Shangsa d'Urmer, un petit vinyle. Au-dessus du... En sérigraphie. Ouais, rendre la réalité inacceptable. C'était ça. Et ouais, je crois que c'est le premier truc que j'ai chopé, quoi. Et puis après, ma caisse aussi s'est un petit peu agrandie, mais... Bah oui, c'est vrai qu'il y a... Ah, quand tu tiens une distro, à un moment donné, tu dois arrêter d'acheter des disques, parce que ça c'est... Enfin, oui, y a des gens qui remplissent leur maison de disques, hein, mais c'est un drôle de rapport à l'objet, quoi. Et comment vous faites pour les choix? T'es prêt, Titi? Ouais. Ok, bah alors on va s'écouter ça, comme ça on se fait un petit interlude musical. Oui. Du coup, c'est No Shangsa, okay. Et Durmer. Et le titre de la chanson, c'est Elle met du kebab sur son balcon. On nous entend ? Ah oui, voilà. Oui. Tu peux laisser le morceau un petit peu derrière quand même. C'est fait. Ah voilà. Eh ben Marco, tu disais du coup, c'est difficile de voir les vinyles partir. Oui, mais... Mais vas-y, enchaîne. Quand on a que 3 exemplaires, ils partent. Et puis, quand c'est chouette, on se dit, ah, zut, j'ai oublié d'en garder un pour moi, et il est parti. Et on ne le trouvera plus jamais. Mais c'est comme ça. Ouais, et c'est vrai qu'on a la place pour, en termes de 33 tours de vinyle de 10, enfin de 12 pouces, on a, il y a moyen de mettre 92 disques, quoi. Je veux dire, et il y a tous les disques binamés, slugs qu'on a quand on part pour un week-end, on n'en prend pas qu'un ou deux, quoi. Et donc, on ne sait pas prendre des tonnes et des tonnes de disques. Donc oui, en effet, t'en prends une fois, t'en reprends pas une deuxième fois, quoi. Il faut que ça tourne de cette manière-là. Y a même certains disques qui ne tournent plus pour le moment. C'est-à-dire qu'ils sont stockés quelque part et qu'on n'a plus la place pour les mettre dans le bac. Et comme si, ça. Il y a la place. Oui, mais enfin, il faut quand même qu'il y ait 5 disques binamés, 5 disques slugs, 5 disques. Bon, maintenant que c'est sur les ondes, on peut faire le débat, parce que là, on a un truc à régler. Oui, c'est un pote d'une autre distro, Attila Tralala, qu'on salue bien bas, qui me dit un jour: ah, tiens, mais tu sais que Marcor m'a filé un chocolat Billy. Qui disait qu'on ne savait plus vendre. Je dis, oh, mon nom de Dieu, mais c'est une pièce super rare, quoi. Je dis, ouais, ben voilà, il me l'a échangé. Enfin, téléphone, un groupe tchèque, je ne suis pas certain, que j'ai déjà essayé plein de fois, il ne part pas. Voilà. Ce n'est pas un groupe tchèque, c'est un groupe français. Oui, non, mais attends. Ah, yes. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on y trouve, du coup, dans la distro à Redge? Ah, ben, donc, il y a les disques à Redge, les disques Coprot, et puis des disques. Que moi j'aime bien, que Smurf aime bien, ou que moi j'aime bien. Binam. Oui, voilà, des groupes qu'on a vus à un concert, qu'on a envie d'acheter, qu'on a envie de faire connaître. Comme à l'histoire du magasin 4, c'est pas difficile, l'histoire du magasin 4, c'est après le concert, tu vas voir le mec qui fait le merch. Une fois sur deux, c'est. Il n'a pas le temps. Deuxième fois, c'est. J'ai pas assez de disques, je dois garder pour la fin de la tournée. Et le troisième truc, c'est c'est le dernier jour de la tournée aujourd'hui. Je vous fais un prix pour tout le stock. Enfin bon, voilà, y a ça, c'est les. Là, on rentre dans dans les méandres de l'épicier. Mais en fait, il y a ces disques qu'on chope directement au groupe. À qui on dit que nous, en fait, on les vend parfois. Il y a des groupes qui vendent leurs disques quand même 15 euros, 20 euros. Parlons pas de prix parce que. C'est vrai. Notre grosse tendance, c'est quand même de dire nous, on veut pas les vendre à ce prix-là, quoi. C'est 12, ça, c'est quand même 13, 13 ans, quoi. Ouais. Ça tient. Ouais, cool. Moi, je me souviens déjà de petites prises de tête avec certains groupes de dire on a envie de le prendre, mais. Ouais. Et c'est une négociation politique, j'ai l'impression presque, tu vois, de dire. C'est ça que j'aime. Ça peut avoir un fond politique, mais en face de toi, il y a parfois des gens qui disent il essaye de m'arnaquer, fait. Ou alors, je dois vivre de ça, ou des trucs comme ça. Il y en a qui vivent de ça, Marcor, quand même. Je sais, je dois vivre de ça. C'était la tonalité, la ritournelle avec lesquelles. Mais oui, c'est. Et donc, il y a ces disques qu'on va chercher directement chez les groupes, et puis il y a les disques. On a commencé avec Markai, ce qu'on appelle une co-distribution. Markai et un groupe allemand que j'ai oublié, je crois. C'était Markai, hein, oui. Le petit 45 tours, là. Ouais. Ouais. Mais on n'en a plus, donc je ne le vois même plus sur le site. Non. Mais on en a fait un, puis deux, puis là, en fait, c'est devenu assez régulier. C'est souvent des gens qu'on a croisés, hein, des gens avec qui on s'entend bien. Et ils nous disent, on va faire un disque, on fait 500 albums ou 300. Y a déjà Mon cul, c'est du tofu, Attila Tralala. On peut faire la liste. 5 labels allemands, 3 italiens, 1 américain. Ouais. Ça aussi. Hein. Okay. Et il y a toute une bande comme ça en Europe. C'est pas des labels professionnels, quoi. Loin de là. Qui disent, j'en prends 15, j'en prends 20, et du coup, ces disques, ils arrivent, ils sortent, et ils sont distribués d'une certaine manière, parce que c'est des gens actifs. Ou moins. on pourrait citer toute une série, kyrielle de micro-labels. J'ai même pas envie de dire micro-labels, quoi. Mais sur le site, du coup, d'Arrege, on peut trouver, non, un peu toutes les. Ouais, tout à fait. Attends, les coprotes, les disques Arrege et les coprotes. Oui, mais pas le. Pas les disques qu'on chope, on en prend 3 à un groupe polonais qu'on ne reverra plus jamais, un groupe français. On ne les met pas en ligne. Et du coup, vous avez parlé pas mal de vinyles, mais il y a aussi d'autres choses, non, dans la distro, il me semble. Oui. Par période, on a une valise avec des livres, des revues. Et par période, on en a plus ou moins, ça dépend des moments. Pour l'instant, on en a un petit peu moins, mais. Ah, Ah, les petits bouquins, là. Oui, on a... Bah, on a eu un gros stock à un moment, parce que... Oui, de maison d'édition... De Toulouse, là. Quand on est revenu avec... Tu te souviens pas du nom ? Niette ? Nit, on les aime bien aussi, on en a pris plein. Ouais. Et Entremonde en Suisse. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Ils ont payé presque en bouquin, entre guillemets. Oui. Il y en a qui nous payent. On a déjà été payé en patate à la ferme du Haillon. Je vous propose une petite pause musicale. Oui. Tu voulais présenter un morceau, Marcor. On peut mettre celui-là. Tu veux l'annoncer ou... Plus tard. Là plus tard. Bon, on fait une petite pause maintenant, mettons-le comme ça. Après, je veux juste dire un petit truc. S'écouter Subhumans, Terrorist in Waiting. Premier morceau du dernier album. Qui s'appelle ? Crisis Point. Ah voilà, hein, voilà. C'est ça. Que j'ai écouté en boucle, 15 jours avant le concert au mois de novembre. Et un truc, c'était... Je me dis, mais c'est un peu court. Mais tant pis. Hop, j'ai recommencé. Puis j'ai remis. Donc je connaissais par cœur. Après. Excellent. C'est bien. C'est un peu ton groupe mythique, non ? Mais oui, c'est mon truc mythique. Oui, c'est vrai. Et moi, je vais vous demander aussi, j'ai souvent, enfin régulièrement vu, entendu parler de la caisse d'arrêt, la caisse de soutien, y a une dimension. Comment est-ce que ça fonctionne, ce truc-là ? Mais concrètement, si je comprends bien de quoi tu parles, ça arrive quand même assez régulièrement qu'on nous demande de venir jouer pour des soutiens à des camarades qui ont des soucis ou à un lieu qui a besoin de sous. Et assez régulièrement, on fait parvenir des sous qui proviennent de la vente des disques. C'est un peu les actionnaires. Et donc cet argent... c'est pas... quand il y a une certaine somme, n'allez pas imaginer des sommes mirobolantes, on se dit, on va donner des sous à cette caisse de soutien. Comme disait un vieux pote, c'est la même caisse, quoi, tu vois. Mmh. Ça ne doit pas être... Mais c'est régulier, quoi. Moi, je vois ça, enfin, ça peut être 20 balles par-ci ou quoi. Enfin, de... Ouais, ça peut être... Ou ça peut être plus, oui. Ouais, c'est assez régulier pour... et c'est dans des... Bah, les ingrédients, je ne pourrais pas les expliquer, mais il y a de la proximité, on connaît les gens... On est en amitié, on trouve que ça doit continuer, ça doit être soutenu, donc voilà. Et c'est vrai qu'on vient jouer et que parfois les sous qu'on nous donne pour le carburant, bon, on les redonne via la caisse distro. Et c'est chouette, quoi, tu vois. Parce que nous, c'est un honneur d'être invité à jouer là. Et si en plus, comme je dis souvent, vendre des berruriers noirs, il faut que ça serve un peu à quelque chose, quoi. Et donc, c'est vendre des disques berruriers noirs avec qui on est fort proche du label, en fait, permettent de faire des petites sommes qui aident des projets, quoi. Mmh. Ok. Et bon, après, moi, il y a la dimension... c'est plus en parlant avec toi, Smurf, mais tout le truc de... Enfin, vous en avez un petit peu parlé, mais le fait qu'il y en a qui se font du blé en faisant de la musique. Enfin, pour moi, le label Arrête, la distro, le porte clairement que c'est un autre fonctionnement. J'ai l'impression que c'est un truc qui existait fort sur la scène punk que je connaissais il y a une dizaine d'années, mais qui se perd un peu, il me semble, parce que vous avez envie de parler un peu de ça. Je vais faire un parallèle, je ne vais pas tenter de brouiller les pistes, hein, mais, ou de noyer le poisson. Il n'y a pas très longtemps, par rapport à des chantiers sur de l'habitat léger, il y a une personne qui est assez critique sur le fait qu'un chantier se produise et qu'on vienne donner des coups de main, mais qu'en fin de compte, c'est du travail camouflé, qu'il n'y a pas un système collaboratif. Enfin bon. Et donc, là où je veux en venir, et moi j'y répondais, c'est très compliqué quand des gens ont une passion et qui... ils ont envie d'en faire leur métier. C'est un vrai bordel. Moi, toutes les tentatives n'ont jamais été bien loin. Et donc, je préfère aborder la question comme ça, parce que, en effet, il y a des gens dans le milieu artistique, mais vraiment beaucoup, qui ne m'intéressent pas vraiment beaucoup, en fait, parce que leur posture est essentiellement et uniquement artistique et ont une vision de travail et de commerce. Moi, je travaille par ailleurs sur autre chose, et tant mieux. J'aurais été triste de devenir un artiste professionnel, je pense. Ça m'intéresse pas. Mais donc voilà, quand on est face à des gens qui veulent absolument vivre de leur passion, en faire leur métier, c'est très compliqué. Le débat politique et de fond est très compliqué. C'est comme aller dire un pote propriétaire, tiens, voilà, t'as vu la superbe affiche de la grève des loyers, quoi. Ouais. C'est, enfin, il y a des moments, ça coupe les mondes en deux de manière terrible. Donc voilà, moi, je pense que je n'ai pas envie de faire la leçon à ces personnes qui en font leur métier et qui du coup vendent un peu tout le ce qu'on appelle le merchandising à des prix super élevés. Il faut faire avec, quoi, tu vois. On est à côté d'eux, on vend des t-shirts à 10 balles, ils sont à 25, quoi. Forcément, parfois on se demande si on pourrait pas être attaqué pour concurrence déloyale, quoi. Ouais. Tellement j'ai l'impression qu'on est le groupe qu'on peut inviter maintenant partout sans prendre trop de risques. Enfin, c'est très délicat comme sujet. Se retrouver sur une scène avec un groupe qui prend dans sa poche 1000 ou 1500 balles alors que toi, on t'invite pour les frais de déplacement, même si on vient de loin. C'est pas qu'on n'est pas content de pas avoir de sous, c'est qu'on trouve que le différentiel produit un malaise quelque chose de pas très bien, quoi. Et voilà, c'est une situation... à laquelle, ben, nous, à part continuer de faire comme on aime bien le faire, et à ne pas être payé et salarié via notre pratique de la musique, voilà, c'est la seule piste qui tient. À fond. T'as une anecdote par rapport à ça, Marco ? Trop. Oh là là. Allez, vas-y. Mais non, mais en fait, on a coupé les micros, là. Tu peux enlever ton casque, parler à l'aise. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La musique est mise, hein, c'est ça. À fond. Ah, si t'en as plein, raconte-en une, Marco. Laquelle ? l'esprit libre. J'ai rien dit. Non. Ça nous intéresse, l'esprit libre. Non, mais il faut comparer ce qu'est. Une à laquelle tu penses. Mais ça fait 3 mois que j'ai plus fait la distro, quoi. C'est moi ce que j'ai envie de faire, la refaire. Tu l'as fait pendant... tu l'as quand même fait pendant 30 ans, presque, non? Oui, mais... Pas pour 30 ans. Pas bah, dans la dernière fois, ou dans la dernière tournée, ou la dernière sortie... Il y en a une qui te vient à l'esprit. Allez, des histoires de vol, enfin de vol, ah, bon, de gens qui prennent des disques. Waf. Oui, ça. Oui, mais bon, on va pas commencer à... Mais en même temps, ça nous amuse. Nous, parfois, on voit des jeunes quêtes qui débarquent de voler et qui, oui, qui, ils et ont qui les prennent. Ils ont aussi volé mais ça se voit, un ampli et une guitare. Ça, c'était moins marrant. Oui, ça, c'était moins drôle, mais c'est pas la même c'était chose. C'était les mêmes. Et du coup, vous leur expliquez qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Oui, et, oui, et, oui. Et là, mais non, ça passait pas. Et je me rappelle dans un petit village, bon, SB, je crois que c'était. Genre, le petit. Le 13, 14 ans, tout cassé, il m'a dit, t'as pas un disque, toi, au Spring. Non. Puis j'explique que ce n'est pas les trucs commercial qu'on vend, que c'est blablabla, notre démarche. Et puis, évidemment, je ne vais pas rester, c'est pas une épicerie, donc je ne vais pas rester au comptoir tout le temps, hop, je m'absente. 5 minutes, peut-être une demi-heure, hein, mais... il y avait 5 disques en moins. C'est pas trop compliqué de faucher les disques chez nous, les chouchous. Oui, voilà. Donc, et après, j'ai dû l'expliquer. Oui, mais alors, mais pourquoi Est-ce que ça vaut vraiment la peine Tu lui dis la propriété, c'est le vol, hein. Je dis, fais ça à la FNAC, mais pas ici. Ouais. Oui, mais la FNAC, c'est... Il y a des vigiles. Un truc du genre, quoi. Ici, c'est facile, là, c'est pas... Ouais, c'est ça. Donc, nous, c'était... La FNAC ou nous, c'était exactement la même chose. Donc, mais bon, ben voilà. Mais ça, c'était... Ben, y a d'autres trucs beaucoup plus chouettes. Le chouette, c'est on va voir à tel endroit, et puis on se retrouve avec 5 distros. Ouais. Mais il y a des distros qui sont... où j'ai plus d'affinité qu'avec d'autres. Quoi. Mais bon, ça... Et moi aussi. On n'a pas les mêmes affinités. Non, mais... Et c'est ça qui est chouette, c'est que y a une... Bon, on a 92 disques, mais... Oui, ça. Je veux dire, c'est limité, quoi, mais ça, y a un certain style dans cette distro, quoi. Mais en tout cas, merci, c'est chouette de faire exister cette culture-là. Enfin, je pense que nous, on est tous dedans aussi, mais voilà, comme passion... Enfin, moi, c'est souvent un exemple que je prends de René Binamé, par exemple, qui est un groupe connu, et de dire le fonctionnement, et de dire, en fait, voilà, d'être super critique sur tout ce côté artistique de se faire carrière et de faire des thunes avec ça, et en fait de dire qu'il y a moyen de faire autrement, pour moi c'est essentiel. Moi je dirais aussi essentiel, c'est qu'on n'a pas envie que ce soit qu'on soit une norme non plus. On fonctionne comme ça, on n'exige pas que les autres fonctionnent comme ça. Un peu moins aujourd'hui qu'hier, moi, mais ouais, mais bon. Mais moi, c'est faire exister la possibilité que les choses peuvent être autrement. Enfin, tu vois, c'est une culture en fait. Et puis j'ai une fameuse anecdote. C'est que moi, j'allais au concert des Binamé, je voyais cette distro de Marcor, et je me disais, quand je serai grand, je ferai aussi ma distro, et j'en profiterai pour faire de la propagande anarchiste, mettre des bouquins politiques, machin. J'aimais bien sa distro, mais je me disais, moi, je ferai aussi ma distro autrement. Et bon, ça arrivait par d'autres moyens, et avec des rebonds par-ci, par-là, mais du coup... L'origine aussi de la distro La Pinothèque, c'est aussi la distro à Rage, avec une autre façon de voir, de fonctionner, de faire. Et du coup, c'est sympathique. Hein. Excellent. Et un petit bonjour à Christian Lazone, qui peut-être nous écoute et qui fait aussi de la radio à Liège, mais qui était un des fondateurs de la distro de la zone qui a fonctionné très très longtemps et qui était... Qui a malheureusement arrêté. Ouais. Ah ouais. Comme ça, ouais. Et est-ce que vous voulez dire un petit agenda des sorties de la distro là, avec tout ce qui s'est passé, c'est compliqué, mais... Mais il y a le dernier, c'est Manu Bourret qui a, avec Monsieur Marcaille, qui viennent de faire un album... assez foufou, je sais pas si vous avez le morceau Paix, voilà. Mais qui est vraiment assez chouette. Le premier album de Manu est un truc que j'ai réussi à vendre à un amateur de musique asymétrique japonaise, alors qu'il est simplement avec sa guitare et qu'il chante un petit peu faux et joue pas totalement juste. Mais là, c'est autre chose, c'est pas du tout... C'est le premier album est plutôt une espèce de carte poétique des tropiques de Manu Bourret, ce camarade de Lille, donc, qui s'appelle Manu Borracho chante ses tropiques. Maintenant, le dernier, là, avec M. Marcaille, qu'on va écouter, il y a un côté fondamentalement poétique et avec de la nappe sonore plutôt électronique. Mais les paroles sont assez bien tapées, quoi. Assez, il y a un côté fin du monde qui colle assez bien avec la période actuelle, je trouve. On s'écoute ça. Yeah. l'armée chute. 240 tués par heure. 6400 tués par jour. Here's the story of Joe Hill, who was a songwriter, came over to America from Sweden at the turn of the century, and joined the industrial workers of the world, the Wobblies, noted left-wing union of the times, and became sort of a minor left-wing hero. And then one day, he was accused of murder, and he became a major left-wing hero of the times. So. He was accused of murder in Utah, and you know where Utah's at. So he had to pay with his life back then, and here's a song about that, sort of like a folk ballad to the tune of John Hardy. The song, by the way, has been made into a movie starring Richard Burton as Joe Hill, and Elizabeth Taylor plays the industrial workers of the world. Almost hear him whistling on a tune. And Joe rolled on from job to job, from the docks to the railroad line. And no matter how hungry the hand that wrote, in his letters he was always doing fine. In his letters he was always doing fine. Oh, the years went by like the sun going down, slowly turned the page. And when Joe looked back at the sweat upon his tracks, he had nothing to show but his age. He had nothing to show but his age. So he headed out for the California shore. There things were just as bad. So he joined the industrial workers of the world, 'cause the union was the only friend he had. 'Cause the union was the only friend he had. Now the strikes were bloody and the strikes were black, as hard as they were long. In the dark of the night, Joe would stay awake and write. In the morning, he would raise them with a song. In the morning, he would raise them with a song. And he wrote his words to the tunes of the day, to be passed along the union by. And the strikes were led and the songs were spread, and Joe Hill was always on the line. Yes, Joe Hill was always on the line. Salt Lake City a murder was made. There was hardly food to find. Oh, the proof was poor, but the sheriff was sure that Joe was the killer of crime. That Joe was the killer of crime. Joe raised his hands, but they shot him down. He had nothing but guilt to give. It's a doctor I need, and I left him to bleed, but he made it 'cause he had the will to live. Yes, he made it 'cause he had the will to live. And the trial was held in a building of wood, and there the killer would be named. And the days weighed more than the cold copper ore, 'cause he feared that he was being framed. 'Cause he found out that he was being framed. Oh, strange are the ways of the Western law, strange are the ways of fate. For the government crawled to the mine owner's call, and the judge was appointed by the state. Yes, the judge was appointed by the state. Oh, Utah justice can be had, but not for a union man. And Joe was warned by some early morn there'd be one less singer in the land. There'd be one less singer in the land. Now William Spry was Governor Spry, and life was his to hold. On the last appeal fell a governor's tear. May the Lord have mercy on your soul. May the Lord have mercy on your soul. Even President Wilson held up the day, but even he would fail. For nobody heard the soul-searching words of the soul in the Salt Lake City jail. Of the soul in the Salt Lake City jail. For 36 years he lived out his days, and he more than played his part. For the songs that he made, he was carefully paid, with a rifle bullet buried in his heart. With rifle bullet buried in his heart. Yes, they lined Joe Hill up against the wall, blindfold over his eyes. It's the life of the rebel that he chose to live. It's the death of the rebel he died. It's the death of the rebel that he died. In his time in the cell, he wrote to his friend, his wishes all were plain. My body can't be found on the Utah ground, so they laid him on a fast parting train. Yes, they laid him on a fast parting train. And the rebel rode to Chicago town. There were 30,000 people to mourn. And just about the time that Jolie died, legend was just being born. A legend was just being born. Now some say Joe was guilty as charged, some say he wasn't even there. And I guess nobody will ever know, 'cause the court records all disappeared. 'Cause the court records all disappeared. Say wherever you go in this fair land, in every union hall, in the dusty dark, these words are marked in between all the cracks on the wall, in between all the cracks on the wall. It's the very last lines that Joe Hill wrote when he knew that his days were through. This is my last and final will. Good luck to all of you. Good luck to all of you. Alors l'ouvrage que je vais vous présenter maintenant, du coup, c'est Joe Hill, Bread, Roses and Songs, la création d'une contre-culture ouvrière et révolutionnaire aux États-Unis. Donc c'est évidemment un ouvrage que nous avons, que nous aurons bientôt à la bibliothèque. Alors l'auteur, c'est Franklin Rosemont, et ça a été édité aux éditions CNT, de la CNT, en 2015. Alors, pour parler de Joe Hill, c'est un gros bouquin sur lui. Hein. C'est un bouquin qui fait plus ou moins 500 pages. C'est assez rebutant, mais en fait, c'est très, très, très intéressant. Joe Hill, en fait, c'est un mec qui est né en 1879 en Suède et qui émigra à New York dès 1902. Il avait alors 22 ans et il va sillonner le pays entre l'Ohio, la West Coast, à San Francisco. Mais il va aussi aller au Mexique pour la Révolution mexicaine en 1911. Alors Joe Hill ira ensuite en 1912 au Canada pendant les grèves, les grandes grèves des chemins de fer de la Fraser River, où les IWW, comme il l'appelle lui-même, c'est IWW, mais lui, il dit IWW, et pas WW, ce qui est un peu plus court. Et du coup, je vais utiliser cette formule pour vous parler d'eux. Donc, il faisait partie des IWW pendant les 6 dernières années de sa vie seulement. Et pourtant, il en fut un des membres les plus influents. En fait, ce syndicat, les IWW, est fondé à Chicago en 1905 et il concentre tout ce que l'AFL, donc l'American Federation of Labor de l'époque, considère comme inorganisable ou indésirable. Donc American Federation of Labor, c'est la Fédération américaine du travail. Un espèce de proto-syndicat de l'époque. Alors le IWW, il place en fait la lutte des classes au cœur de l'organisation et il propose des sections mixtes pour chômeurs, étrangers, sans statut, etc. Donc ça correspond exactement à tout ce que l'AFL ne désire pas. Et l'IWW est également totalement contre les syndicats de métiers qu'ils considèrent comme des briseurs de grève. Alors on pourrait comparer les syndicats de métiers en fait à ce qu'on nous on connaît ici en Belgique en tout cas sous le nom de commission paritaire. Donc c'est une manière de séparer les luttes entre les différents métiers. Alors, à la question « Qui est votre leader ?», en fait, les IWW répondaient tous « On est tous des leaders. » Et « Qu'est-ce que vous revendiquez ?» Ils répondaient « Nous voulons tout. » Alors, ils sont influencés fortement à l'époque, donc il y a plus de 120 ans, il y a plus de 115 ans, pardon, par le mouvement abolitionniste aux États-Unis, mais aussi par Marx, et aussi par l'histoire des 8 exécutés du High Market en 1886. Donc en fait, ils prônent un futur sans esclavage, sans exploitation ni patron, sans armée ni prison. Ça vous dit un peu quelque chose. Ils ont été influencés en fait dès leur début par la CGT française. Et oui, la CGT à l'époque était entre autres bien menée par Émile Pouget, qui les a vraiment fortement soutenus dans leur organisation. Alors ils se sont aussi également, par ailleurs, plus tard, rapprochés de la CNT en 1934. Mais ce qui est assez étrange, en fait, ça ne m'étonne pas du tout, mais bon, c'est comme ça. C'est que pour les anarchistes, ils ont toujours été trop marxistes. Et pour les communistes, ils ont toujours été trop anarchistes. Alors, Joe Hill, on peut dire en fait que c'est un espèce de vagabond hobo, comme il l'appelle. Alors aux États-Unis, hobo, vous trouvez en fait dans ce livre, ce qui est génial, c'est qu'à la fin de ce livre, il y a un espèce de petit glossaire Dans ce glossaire, vous trouvez ce terme de hobo. Et ce terme fait référence aux travailleurs itinérants jetés sur les routes par la révolution industrielle et le capitalisme sauvage de la fin du 19e siècle. Le hobo constituait, donc toujours selon ce petit glossaire, une réserve de main-d'œuvre mobilisable n'importe où dans le pays, sur les grands chantiers, pour les moissons ou pour l'abattage du bois, etc. Alors les moyens de transport privilégiés du hobo, c'était le voyage clandestin par train de marchandises. Alors moi, ça me fait penser un peu à ces vieux films où on voit ces espèces de cow-boys qui vont chercher du travail et qui prennent clandestinement les trains de marchandises. Et en fait, ça faisait du principal nœud ferroviaire des États-Unis, c'est-à-dire Chicago, à l'époque, la capitale des hobos. Et en fait, Joe Hill se situe un petit peu entre les hobos, le travailleur à la semaine, où il était aussi docker. Et pour la petite anecdote, Joe Hill ne fumait pas, il ne buvait pas, parce que comme d'autres hobos, il considérait l'alcool fort comme un complot capitaliste pour empoisonner la classe ouvrière. Alors, si on continue un petit peu dans son histoire, enfin, c'est pas vraiment une continuation, en fait, c'est plutôt une superposition. Parce que Joe Hill, il était aussi un des compositeurs les plus connus du Little Red Songbook. Le Little Red Songbook, c'est un des recueils, enfin, c'est le recueil de chansons de l'IWW, qui comprend des chants populaires révolutionnaires anticapitalistes, mais des plus radicaux que n'importe quel autre songbook de syndicat, parce qu'à l'époque, tous les syndicats avaient des songbooks, donc des livres de chants. Mais le Little Red Songbook, c'était vraiment un des plus radicaux de l'époque. On doit entre autres à Joe Hill le morceau The Worker of the World Awaken, donc Travailleur du monde entier, réveillez-vous. On lui doit aussi Pie in the Sky. Alors, Pie in the Sky, c'est une des parties du morceau The Preacher and the Slave, donc le prêtre. Le prêtre et l'esclave. En fait, The Pie in the Sky, c'est un petit peu l'image de la récompense qu'on aurait au paradis si on accepte d'être esclave sur Terre. Alors, on lui doit aussi Dump your bosses off your back, donc virez vos patrons, ou encore Don't mourn, organize, donc ne vous lamentez pas, mais organisez-vous. Et ça, c'est un des grands cris de ralliement, en fait, des dépossédés de l'époque. Alors, c'est des chansons qui sont, à l'époque, réputées pour éduquer et libérer en même temps. Ça fait un peu partie de la tradition orale, puisqu'à l'époque, il y avait plein de personnes analphabètes. Et du coup, un des moyens de les amener à réfléchir sur la société dans laquelle on est et tous les problèmes, c'était via la tradition orale et entre autres via le chant. Et donc, Joe Hill, il écrivait énormément de chansons. Mais il dessinait également, alors il dessinait pour l'Industrial Worker, qui est le journal de l'IWW. Alors c'est un journal qui existe toujours hein, entre nous. Et il y a une interaction constante chez Joe Hill entre les dessins et les chansons, entre le son et la vision. Et en fait, une de ses célèbres chansons, qui s'appelle Mr. Block, faisait... allusion à une BD d'un de ses copains en fait qui paraissait régulièrement dans l'Industrial Worker aussi et qui racontait l'histoire d'un travailleur à la tête de bois. Et en fait, effectivement, quand on regarde dans le bouquin, on voit un mec avec un cube en bois sur la tête à la place de la tête. Donc ça raconte l'histoire de ce travailleur à la tête de bois, dont la foi dans le capitalisme, l'Église et l'État l'entraînent de catastrophe en catastrophe. Et alors, il remplissait en fait ses créations, du coup, de plein d'humour, de spontanéité. Mais c'était toujours de la contre-culture qu'on appelle aussi « wobblies », très forte, une contre-culture populaire libérée et fortifiée par le préambule IWW. Alors en fait, en 1915, pour sans doute, enfin, on sait tous que c'est pour ça, mais officiellement, c'est pas pour ça. Mais en 1915, c'est pour le crime d'appartenir à l'IWW que Joe Hill fut arrêté, officiellement accusé de meurtre d'un épicier local dans l'Utah, un ancien policier. Et puis, il fut condamné suite à ça à mort et exécuté par un peloton d'exécution. Alors, je vais vous lire maintenant un passage sur les circonstances de son arrestation. En Utah, comme dans bien d'autres régions minières, les organisations syndicales étaient broyées par de grosses agences de briseurs de grève, véritables armées d'hommes de main, dont les descentes meurtrières contre les responsables syndicaux et les grévistes étaient commises au vu et au su du gouvernement local et de la police. Et souvent même avec leur participation active. De telles violences contre les ouvriers étaient pleinement assumées par les gouvernements de Spry, qui autorisaient les propriétaires. Donc Spry, c'était le mec qui s'occupait justement de l'Utah. Il autorisait les propriétaires des mines à faire élire comme shérif leur homme de main. Alors en 1912, par exemple, la Federation of Miners introduisit une forme de grève locale dans l'Ouest, comme le souligne Justus Herbert dans son livre. Ici, quelques 5 000 hommes, la plupart armés, prirent possession des grandes propriétés minières. Ils ne quittèrent pas leur lieu de travail, ils ne sortirent pas des locaux afin de le défendre contre les jaunes, mais ils y restèrent et contraignirent la direction à la négociation tant qu'ils s'y trouvaient. Alors en fait, bien qu'il ne s'agissait pas d'une grève des IWW à proprement parler, les membres et sympathisants IWW y ont sans doute vraiment participé activement. Et les organisateurs en Utah de IWW étaient particulièrement actifs à Park City, Eureka, Bingham et Tucker, où une brillante grève victorieuse en 1913 suscita de nouvelles adhésions et contribua à faire connaître le syndicat à travers tout l'État. L'IWW Local 69 Salt Lake City, donc il était assez connu, il entretint également une forte agitation. Ces orateurs de rue étaient constamment harcelés par la police et quelques mois avant l'arrivée de Joe Hill, au moins deux des WAPS les plus en vue avaient échappé à des coups montés. Ses affaires avaient été abandonnées, faute de preuves, à son arrivée. Hill trouva un emploi à Park City, dans l'atelier de la mine de Silver King, où travaillait, en tant que contremaître, une de ses connaissances de San Pedro, un immigré suédois et compagnon IWW nommé Otto Appelquist. Avant l'arrestation de Hill, le suspect numéro 1 dans l'affaire Morrison était un criminel nommé Frank Wilson, un des hommes que l'ancien policier avait contribué à envoyer en prison et qui venait juste de sortir du pénitencier. La nuit du meurtre, une autre photo de la police penchée à la fenêtre d'un tramway comme s'il était souffrant ou peut-être saoul. Et quand la police arrêta Hill, il était convaincu de tenir Wilson et le signala à la presse. Mais le véritable Wilson ne fut jamais retrouvé. Comme le note Hill, un songwriter, Iwiwi, son intérêt pour Wilson s'évanouit. Donc en fait, la police, elle n'avait tout d'un coup plus rien à faire de Wilson quand elle a compris qu'il s'agissait de Joe Hill, un des plus célèbres écrivains de musique du syndicat IWW. Ils se sont dit, oh ben, oui, on va juste l'inculper pour ça, ça va être trop facile. Mais ils ont été jusqu'à l'exécuter, en fait. Donc vous l'aurez peut-être deviné, mais je suis un petit peu éprise de ce multi-récidiviste, multitâche, insaisissable, solitaire et drôle. Ce livre écrit le mythe, même si c'est le cauchemar de Joe, parce qu'en fait, c'est tout le paradoxe de ce livre, c'est que Joe Hill, il ne voulait pas du tout être célèbre, il ne voulait pas parler de lui, il ne voulait pas du tout... Enfin, il détestait l'héroïsation des personnes, l'héroïsation individuelle. Il pensait vraiment toujours au collectif, etc. Mais ce livre, il crée un peu quand même quelque chose par rapport à ce personnage. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est une grosse brique. Mais bon, je suis bien contente de ne pas encore l'avoir fini du tout, ça je vous l'avoue, parce qu'il fait quand même 500 pages, et du coup je vais déguster la fin très lentement, tout en vagabondant en Belgique, à partir de la semaine prochaine. Et promis Joe, j'éviterai les prêtres, les policiers, et même les paradis, en te lisant et en écoutant une de tes compositions de circonstances, The Tramp, interprété ici par Cisco Houston. If you all will shut your trap, I will tell you about a chap who was broken up against a 2-4 fare. He was not the kind to shirk, he was looking hard for work, and he heard the same old story everywhere. Tramp, tramp, tramp, keep on a-trampin', there's nothing doing here for you. If I catch you round again, you will wear the ball and chain. So just keep on trampin', the best thing you can do. He walked up and down the street till the shoes fell off his feet. In a house he spied a lady making stew, and he said, how do you do? Can I chop some wood for you? What the lady told him made him feel quite blue. She said, tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping, nothing doing here for you. And if I see you round again, you will wear the ball and chain. So just keep on trampin', that's the best thing you can do. Across the street a sign he read, work for Jesus, so it said. And he said, here is my chance, I'll surely try. And he knelt upon the floor till his knees got mighty sore, but at eating time he heard the preacher cry. Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping, nothing doing here for you. Well, if I catch you round again, you will wear the ball and chain. So just keep on trampin', the best thing you can do. Down the street he met a cop, and the copper made him stop. And he asked him, when did you blow into town? Come with me up to the judge, but the judge he said, oh fudge, bums that have no money needn't come around. So it's tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping, there's nothing doing here for you. And if I catch you round again, you will wear the ball and chain. So just keep on tramping, the best thing you can do. Finally came that happy day when his life did pass away. He was sure to go to heaven when he died. When he reached that pearly gate, Santa Peter, mean old skate, slammed the gate right in his face and loudly cried. Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping, nothing doing here for you. If I catch you round again, you will wear the ball and chain. So just keep on tramping, the best thing you can do. In despair he went to hell with a devil for to dwell, for the reason he'd no other place to go. And he said, I'm full of sin, so for Christ's sake let me in. But the devil said, oh beat it, you're a beau. Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping, nothing doing here for you. If I catch you round again, you will wear the ball and chain. So just keep on tramping, the best thing you can do. Yes, it's tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping, there's nothing doing here for you. And if I catch you round again, you will wear the ball and chain. So just keep on tramping, that's the best thing you can do. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Air Libre, Tranche d'un Art, la distro, la Pinothèque. C'est notre pause estivale, donc on se retrouve le 30 septembre pour d'autres émissions spécifiques d'Histoire de la Pinothèque. Tranche d'un Art continue tous les mercredis à 20h30 sur Radio Air Libre. Alors, la distro sera pas complètement en pause puisque dans les week-ends du mois de juillet, on sera présent lors des projections du Nova